première partie, chapitre deuxième de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par saint François de Sales. Première partie, chapitre deuxième, des propriétés et de l'excellence de la dévotion. Ce qui décourageait les Israélites d'entreprendre la conquête de la terre de promission leur disait que cette terre consumait ses habitants, c'est-à-dire que l'air y était si malsain que l'on ne pouvait y vivre longtemps, et que les naturels du pays étaient des hommes monstrueux qui dévoraient les autres hommes comme des sauterelles. C'est de cette sorte filotée que le monde décrit tous les jours la sainte dévotion, en publiant qu'elle rend l'esprit mélancolique et l'humeur insupportable, et que pour en juger, il n'y a qu'à voir l'air fâcheux, sombre et chagrin des personnes dévotes. Mais comme Josué et Caleb, qui étaient allés reconnaître la terre promise, publiaient partout que sa fertilité et sa beauté en rendaient le séjour heureux et délicieux, de même, tous les saints animés du Saint-Esprit et de la parole de Jésus-Christ nous assurent que la vie dévote est douce, aimable et heureuse. Le monde voit que les personnes dévotes jeûnent, prient, souffrent avec patience les injures qu'on leur fait, servent les malades, donnent l'aumône, veillent, répriment leur colère, font violence à leurs passions, se privent des plaisirs sensuels, et font beaucoup d'autres choses qui sont naturellement fort pénibles. Mais le monde ne voit pas la dévotion du cœur, laquelle rend toutes ces actions agréables, douces et faciles. Considérez les abeilles sur le thym. Elles y trouvent un suc fort amer. Et en le suçant même, elle le change en miel. Nous le confessons donc, âme mondaine. Les personnes dévotes trouvent d'abord beaucoup d'amertume dans les exercices de la mortification. Mais bientôt, elles la sentent toute changée, par l'usage, en une charmante suavité. Les martyrs, au milieu des feux et sur les roues, ont cru être couchés sur les fleurs et parfumés des odeurs les plus délicieuses. Et si l'esprit de piété a pu ainsi, par sa douceur, charmer les tourments les plus cruels, et la mort même, que ne fait-il pas dans les exercices les plus laborieux de la vertu? Ne peut-on point dire qu'il leur est ce que le sucre est aux fruits, dont ils tempèrent la crudité lorsqu'ils ne sont pas mûrs, ou dont ils corrigent ce qui leur reste de malignité naturelle, quoi qu'il soit en leur maturité? Il est vrai, la dévotion assaisonne toutes choses avec beaucoup d'agrément. Elle adoucit l'amertume des mortifications, et elle corrige la malignité des consolations humaines. Elle soulage le chagrin du pauvre, elle réprime l'empressement du riche, et elle console un esprit désolé dans l'oppression, et elle humilie l'orgueil de la prospérité et de la faveur. Elle charme l'ennui de la solitude, et elle donne du recueillement à ceux qui sont dans le commerce du monde. Elle est à nos âmes, tantôt ce que le feu est en hiver, et tantôt ce que la rosée est en été. Elle fait porter l'abondance et souffrir la pauvreté. Elle rend également utile l'honneur et le mépris. Elle reçoit avec une même disposition le plaisir et la douleur, et elle nous remplit d'une admirable suavité. Contemplez l'échelle de Jacob, car c'est une fidèle peinture de la vie dévote. Les deux côtés de cette échelle nous représentent l'oraison qui demande l'amour de Dieu et l'usage des sacrements qui nous le donnent. Les échelons sont les divers degrés de charité par lesquels on va de vertu en vertu, soit en s'abaissant jusqu'à servir le prochain et souffrir ses faiblesses, soit en s'élevant par la contemplation jusqu'à l'union amoureuse de Dieu. Or, considérez, je vous prie, comme ces bienheureux anges revêtus d'un corps humain descendent et montent par cette échelle, et nous représentent bien les vrais dévots, qui ont un esprit angélique. Ils nous paraissent jeunes, et cette jeunesse nous marque la force et l'activité spirituelle de la dévotion. Leurs ailes nous figurent le vol et l'élancement de l'âme en Dieu par la sainte oraison. Mais en même temps, ils ont des pieds, et cela nous apprend que nous devons vivre sur la terre avec les autres hommes dans une sainte et paisible société. Leur beauté et la joie peinte sur leur visage nous marquent la douce tranquillité avec laquelle il faut recevoir tous les événements de la vie, et leur tête nue, aussi bien que leurs bras et leurs pieds, nous font penser que l'on ne doit rien mêler dans ses intentions et dans ses actions avec le motif de plaire à Dieu. Le reste de leur corps est couvert d'une robe fort légère, pour nous apprendre que, dans la nécessité de se servir du monde et des biens du monde, il n'en faut prendre que ce qui est purement nécessaire. Croyez-moi donc, Philothée, la dévotion est la reine des vertus, puisqu'elle est la perfection de la charité. Elle est à la charité ce que la crème est au lait, la fleur à une plante, l'éclat à une pierre précieuse, et l'odeur au baume. Oui, la dévotion répand partout cette odeur de suavité qui conforte l'esprit des hommes et qui réjouit les anges. Fin du chapitre deuxième. Première partie.